volonté. Valentine et la pièce The Stalker en position numéro 18. C'est une nouvelle entrée cette semaine. Leur album sort le 17 avril. Avant, c'était Madcaps avec Stone en 19e. Et on a débuté le bloc avec Flight of the Conchords et Too Many Dicks on the Dance Floor de leur album le plus récent, I Told You I Was Freaky, cette formation humoristique néo-zélandaise qui est Flight of the Conchords et que j'adore à mort. Alors, le prochain bloc, c'est encore des nouvelles entrées. Il en reste 3. On en a 6 en tout cette semaine. On va entendre tout à l'heure Tegan and Sarah et une nouvelle pièce de Jet. On débute avec The Job. Voici Problem tout de suite. Au 89.1 FM, c'est fou! Ah! numéro 16. Nouvelle entrée. Mama Une autre belle récolte de nouvelles entrées. Ça fait 20 minutes là, qu'on écoute des nouvelles entrées. C'est toujours super bon, les unes après les autres. On vient d'entendre Teal and Sarah avec Alligator de leur album Sainthood. C'est la troisième pièce de cet album-là figurée dans le palmarès. Avant ça, en 16e, c'est la deuxième pièce de Jet dans le palmarès, Kia, ou K-I-A, Killed in Action. Et on a débuté le bloc avec The Job. Leur deuxième pièce à eux, c'est Problem, qui est en 17e. Wow, je le dirai jamais assez, hein. On se rappelle que le numéro 1 de la semaine dernière, c'était Yes Ayer avec Ambling Up. On va bientôt savoir si ça reste au sommet dans un petit peu plus, moins d'une heure à peu près. J'essaie toujours à chaque semaine de compter les minutes exactes avant. Là. On ne sait jamais à même heure finalement. Bref, dans le prochain bloc, il va y avoir The Almost et Pete Yorn avec Scarlett Johansson. Mais on débute ça avec Devil's Hot Rod. Ça monte de deux places. C'était nouveau il y a deux semaines. Voici Mom in Jail. Tout de suite, t'es au 89.1 FM. C'est fou! Dans vos oreilles. I'm a down, see my mom in jail. I'm a down, see my mom in jail. I'm a gonna see my mom in jail. Don't you kill my dad with a baseball bat. I'm a gonna see my mom in jail. Numéro 13. Thank you. Autour de Almost, Los Campesinos et Set the Whale dans les palmarès C'est fou édition anglo. Numéro 12. C'était Monster Monster, l'ancien numéro 7 qui est maintenant en 12e position. Avant ça, c'était Pete Yorn et Scarlett Johansson avec Clean qui descend d'une place. Et on a débuté le bloc avec la 14e position qui monte de 2, Mom in Jail par la formation locale Devil's Hot Rod. Vous êtes toujours dans l'édition anglophone des palmarès, c'est fou. Il nous reste un petit peu plus de la moitié du palmarès à faire d'ici la fin de l'émission. Dans le prochain bloc, on va entendre Waving Hand et Set the Whale. Mais on commence avec Los Campesinos. Ça descend de la 5e place. Voici Romance is Boring. Au 89.fm, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Et c'est fou dans vos oreilles. Les deux. Trying at all, I will wait. I will bake, fall, cake, take. ventricle cauterized. It's the way of living that I espouse. You're pouting in your sleep, I'm waking. Still yawning, we're proving to each other that romance is boring. Sure, there are things I could do if I was half prepared to prove to each other that romance is boring. Waving Hand et The Man Living on the City Landfill Site. C'est la 9e position. Il me semble que ça a pris du temps avant de sortir le nom complet. J'y allais très lentement. Ça a descendu de 3 places. Ça devient de leur maxi ou de leur mini-album Places. Avant Waving Hand, c'était Set the Whale avec Camilo the Magician qui est descendu de la 2e position. C'est triste hein, parce que c'est une pièce que j'adore et que je devrais faire jouer plus souvent à Assemblage Rookie. Émission du retour en pièces détachées lundi au jeudi entre 15h et 17h. Hein? Avant Set the Whale, c'était Lost Campesino, c'est Romance is Boring qui descend de la 5e pour venir s'insérer en 11e position. C'est la pièce titre de leur plus récent album. On a franchi le cap de la mi-chemin de la pause de sauvegarde. On prend un heure de lunch, là, hein, la moitié du palmarès. Donc, dans le prochain bloc, il va y avoir du Zeus. Puis on commence avec Charlotte Gainsbourg ou Charlotte Gainsbourg. Avec sa pièce IRM, Charlotte Gainsbourg, qui en fait, je crois qu'elle n'est plus. Oh non, elle n'est plus du côté francophone avec le café du chat, du café des artistes du chat. Là. Elle est toujours, par contre, du côté anglophone avec IRM. La voici en 8e position. Ah, c'est fou, 89 FM. La pièce est le chat du café des artistes. C'était quand même... J'essayais de le dire croche parce que je trouve ça drôle. Sweetly, I won't pick up the hand piece anymore. 6. La formation Yukon Blonde et la pièce Rather Be With You dans les palmarès Fou édition anglophone. Avant Yukon Blonde, c'était Zeus avec Fever of the Time en 7e position. On a débuté le bloc avec Charlotte Gainsbourg et la pièce titre de son album IRM. Et ça, ça monte de 6 places. Tout à l'heure, Colorado, mais avant ça, voici la 5e position qui monte de 3. C'est Baja Bullott et Gold Rush. Ah, c'est Fou 89 FM. Vous êtes au palmarès Fou. When they told me where the fool had gone, oh, I was nothing in this one. Up there on the hills, they're climbing on. You went up with an open heart. When they found you, it was all but cold. Those hounds, they seemed so long. You saw the light of golden rush. be the last to know. When they told me where the fool had gone, oh, I was but the youngest one. Up there on the hills they'll find me, oh, another side of gold to rush. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost. And I wanted to run over, I wanted to take over, I wanted to run over your retour, Colorado, et qui est la première position du palmarès anglophone? Ça arrête rarement d'être bon, ça, hein? Colorado et Juliet en position numéro 4, ça descend d'une place. Avant, c'était Bajaboulotte avec Gold Rush qui monte de 3 places. Les choses avancent très, très vite dans ce palmarès. C'est fou, édition anglophone. On se rend jusqu'au numéro 1 qui, la semaine passée, je vous le rappelle, était Yesayer avec Ambling Hall. On va savoir bientôt si ça colle au sommet, un peu comme des pâtes colleraient sur le plafond. sens. Je vais faire une analogie extrêmement poche. C'est ce que je fais, mais je le ferai pas. On va entendre du Islands dans quelques minutes. Mais avant ça, voici OK Go qui monte directement de la 20e position. C'est sa deuxième semaine, donc presque directement au sommet. Voici WTF au 89 FM. C'est fou! On va crazy that! Crazy! for you. Wished I'd hid under my bed with my hands over my head. Islands et Disarming the Car Bomb monte de 15 places, c'est en position numéro 2 maintenant, c'est à 17e position la semaine passée, 17e. Très bon endroit pour mettre un E là-dedans. Ça a pris seulement 3 semaines en fait pour se rendre là, et c'est dans le sens que ça a monté vite. T'sais. Pas encore numéro 1, mais un jour peut-être, ce sera là. C'est là qu'on est rendu d'ailleurs le numéro 1. Hein. Vous savez, la semaine passée, ben, j'ai dit ce que c'était. Et j'ai dit que c'était cette semaine, que c'était la semaine passée. Hein, vous comprenez le principe. Puis là, c'est le moment de faire des jeux de mots. Puis ça me stresse tout le temps. Je suis là. Puis je suis comme un genre d'aventurier. Je sais pas comment. C'est qui l'explorateur, là? Tu sais, pas Dominique Carpin, l'autre, là, l'explorateur, le gars avec le chapeau, là. Puis il est comme dans des montagnes, dans, disons, je sais pas, les Alpes. Et en première position. Encore une fois, je l'expliquerai tantôt, le jeu de mots. Pensez-y un peu. C'est vraiment poche. Yeah. fair place at times. But your lows will have their complement of highs. And if anyone should cheat you, take advantage of or beat you, raise your head and wear your wounds with pride. You must stick up for yourself, son. Never mind what anybody else done. Stick up for yourself, son. Never mind what anybody else done. Stick up for yourself, son. Never mind what anybody else done. Stick up for yourself, son. C'était le numéro 1 du palmarès anglophone de cette merveilleuse semaine qu'on nomme la semaine du 3 au 9 mars 2010. Avant de dire la position numéro 1, voici un petit récapitulatif hein, des positions 5 à 2. Pourquoi pas? En cinquième position, on trouve Baja Bullitt avec Gold Rush. En quatrième, Colorado avec Juliet. En troisième, WTF de OK Go. En deuxième, c'est Disarming the Car Bomb de Islands. Et on vient d'entendre le numéro 1, c'est Yes Ayer avec Ambling Hop. Encore une fois, hein, c'était le numéro 1 la semaine passée aussi. Ça a monté, c'était une nouvelle entrée, là, dans le fond, quoi, de 3 semaines. Dans le fond, c'est sa troisième semaine, donc il y a 2 semaines. Ensuite de ça, la semaine passée, ça a monté au numéro 1. Et là, c'est numéro 1 encore une fois. C'est incroyable pour Yes Ayer, on adore. Donc voilà, pour le palmarès anglophone, il nous reste encore un petit peu de temps avant la fin de cette demi-heure. Donc, on va entendre quelques affaires qu'on a entendues au début de l'heure, au début de l'émission du palmarès anglophone. On a entendu 2 nouvelles entrées de formations qu'on connaît un petit peu moins. Hein? Madcaps, formation locale, dans le coin en tout cas du moins. Leur album s'appelle Juice. La pièce qui est dans le palmarès en position numéro 19 s'appelle Stone. On va entendre Gotta Get Ready. Mais avant ça, il va y avoir Flight of the Conchords qui a fait son entrée en 20e place avec Too Many Dicks on the Dance Floor. Tout de suite, on va écouter la pièce Sugar Lumps. C'est au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Let me tell you. I see you girls checking out the trunk. I see you girls checking out the front of my trunk. I see you girls looking at my junk and checking out my rump, then back to my sugar lumps. When I shake it all up. You probably think that my pants have the mumps. It's just my sugar lump, bump, bump, bump. They look so good, that's why I keep them in the front. All the ladies checking out my sugar lumps. They drive the ladies crazy. All these bitches checking out my britches. Put them in a trance when I wear track pants. My dungarees make them hungry. They roll with the room when I don pantaloons. My sugar lumps are 2 of a kind. Sweet and white and highly refined. Honey's try all kinds of tomfoolery. To steal a feel of my family jewelry. My cannibals cause a kerfuffle. The ladies they hustle to ruffle my truffle. If you party with the party friends, you get 2 complimentary after dinner, man. Girls around me when I'm standing on the stoop. Give me gifts like free chicken soup. Book tokens, free chicken soup. Standing on the corner going tss, tss, tss, tss, tss. We see you girls checking out our trunks. We see you girls checking out the front of our trunks. We see you girls looking at our junk. Then checking out our rumps. Then back to our sugar lumps. Doing my thing. When in walks a guy with his dick in a sling. I'm like, holy shit, what happened to you? He said, how much will you give me for the family jewels? I said, $10. He said, no way, $10 and a frisbee. He said, okay. And I took his sugar lumps and put them up in a display and sold them as hacky sacks later that day. All the ladies, they want a test of my sugar lumps. Sweet sugar lumps. All the ladies, they want a test of my sugar lumps. Yeah. Yeah. La formation québécoise Madcap, c'est la pièce Gotta Get Ready de leur album Juice. En passant, la formation Madcap qui est en tournée canadienne en ce moment. Là, ils sont en, ils font le tour, là, Alberta, Saskatchewan, plein quatre places comme ça. Mais ils vont être à Montréal le 18 mars à 20h au cabaret Juste pour rire. Allez voir leur site web sur themadcaps.com. Avant, c'était Flight of the Conchords et l'album I Told You I Was Freaky. Hein? Oui. La pièce qu'on a entendue était Sugar Lumps. Donc ça, c'est deux nouvelles entrées du palmarès. On a entendu d'autres pièces qui ne sont pas les pièces du palmarès. C'est comme le bloc sur la clôture, comme on l'appelait dans le temps. Hein? Bon. Voilà donc pour nous, pour les gens qui nous écoutent le vendredi soir en rediffusion, mais ils nous quittent eux pour aller rejoindre l'édition francophone des palmarès qui va commencer dans quelques minutes à peine. Nous, en direct le mercredi de 13h à 15h, bon, on continue avec une dernière demi-heure, on va survoler un petit peu le top 30 des albums, le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des scripts canadiens, palmarès des radios universitaires et communautaires canadiennes, tout ça dans un bel emballage qu'on appelle l'Extra Sauce Brune. Alors restez avec nous. C'est la deuxième partie des palmarès, c'est fou, qu'on appelle l'Extra Sauce Brune. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et dans cette dernière demi-heure, on a l'habitude, la tradition, si on veut, d'écouter de la musique qui se retrouve pas dans le top 20 de la journée, ni dans le top 20 anglophone, ni dans le top 20 francophone. On parle de tout ce qu'il y a ailleurs que ça. Ça peut être le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique, le top 10 loud, n'importe quoi, des vieux classiques, par en avant, par en arrière, n'importe où, c'est parfait. On va commencer cette semaine avec le top 10 électronique, si ça vous dérange pas trop là. Il y a quelques zéros, nouvelles entrées. C'est ce qui arrive quand tu regardes pas ta feuille avant de dire cette phrase-là. Il n'y a pas de nouvelles entrées cette semaine dans le palmarès électronique. Il y a quelques petites affaires qui bougent ou qui s'interchangent de place là. Mais bon, je vous épargne les détails. Vous pouvez retrouver le palmarès C'est fou sur le site de C'est fou au www.cfou.ca très bientôt. Bref, on va y aller avec les positions numéro 3 et 2. Hein? Ben oui. En position numéro 2, tout à l'heure, on va entendre Hanne Hockelberg, une chanteuse norvégienne avec son album Blood from a Stone, qui est en deuxième position. La pièce qu'on va entendre s'appelle In Here, Out There. Mais on commence avec la formation américaine Yes Ayer, qu'on a d'ailleurs entendu dans le top 20 anglophone. Là, parce que c'est autant anglophone qu'électronique, à ce qui paraît bien. Donc, formation américaine Yes Ayer, l'album est Hot Blood, c'est leur deuxième album studio. On va écouter à l'instant même la pièce Love Me Girl, et ça va être super sexy, j'en suis certain. Vous êtes au Palmarès C'est fou, 89.1 FM. Avec moi, difficile de pas être sexy, hein? Hein? Du tout. Pas en tout, en fait, du tout. Yeah. happened to me all the time. Don't give up on me. Close my eyes. La chanteuse norvégienne Hanne Høkkelberg avec la pièce In Here, Out There. C'est mis d'album Blood from a Stone qui est en position numéro 2 du palmarès électronique. En son entendu, Yes Air, la formation américaine avec Love Me Girl de leur album Hot Blood. Cet album-là est en 3e position du palmarès électronique. Évidemment, ben, je vous dis pas c'est quoi le numéro 1 de ce palmarès électronique-là parce que je veux garder un petit peu de suspense pour vous et je veux vous demander d'écouter l'émission Le Vestibule. C'est samedi soir à 21h et le palmarès joue là-dedans. C'est avec Jean-François qui anime ça de même. Depuis tellement longtemps que ça vaut la peine de l'écouter. Samedi 21h, c'est Le Vestibule. Bon! Vous êtes toujours dans l'édition anglophone des palmarès Sifu et toujours dans la portion extra sauce brune. Donc, le mot anglophone ne veut plus vraiment nécessairement dire grand-chose rendu à cette heure-là, tu sais. Hein? Donc, on va écouter une pièce qui va faire son entrée demain. Je ne vais pas trop voler les punchs non plus. Kiwan qui vient d'arriver d'ailleurs peut participer ici. Salut Mathieu. Salut Kiwan, tu veux pas que je vole de punch toi non plus. Hein? Non. Ah non, mais c'est vrai. Par contre, tu parlais de la portion extra sauce brune. On l'a nommé comme ça plusieurs semaines déjà. On appelle toujours... la partie qui est pas le décompte, le top 20 franco et anglo, on l'appelle toujours extra sauce brune pour expliquer aux gens qui savent pas. Ben oui. Mais là, pour le mercredi, étant donné que c'est anglo, on pourrait l'appeler, je sais pas, extra gravy. Extra gravy. Ah, oh, j'aime ça, extra gravy. Même qu'on devrait refaire les chiffres juste en anglais aussi. Ouais, ça, c'est anglophone, donc... Faut oublier qu'on est une station francophone quand même. C'est ça, faut que le monde comprenne. Mais en même temps, je pense que le mot gravy en français, le monde l'utilise pas mal, hein? J'imagine. Mettre de la gravy là-dessus. La gravy sur mes frites. La gravy. Mais ouais, c'est tellement bon ça. Bon. Donc voilà, on va entendre une des deux nouvelles entrées. Il y a une nouvelle pièce de Chinatown qui va faire son entrée aussi, mais on va l'entendre seulement demain. Pour l'instant, on va entendre une pièce qu'on a déjà écoutée une fois de temps en temps ici à Assemblage Requis. Là, je me rappelle que c'est quoi? C'est Maxime qui l'a fait jouer récemment. C'est Bernard Adamus avec Cauchemar de course. Tout le monde tripe bien gros là-dessus, à ce qu'il paraît. Sur Cauchemar de course. Sur cette pièce-là en particulier, ah, apparemment. Ouais. Ah. Ça fait comme waouh! Ben, c'est sûr qu'il y a présentement un certain engouement pour Bernard Adamus. Mm-hmm. Un Bernangouement. Un Bernangouement, effectivement. Il va être en spectacle d'ailleurs, hein, samedi à Drummondville, pas très loin d'ici. Un spectacle Adamus. Non, Spectadamus. Spectadamus. Ok, j'arrête ici. J'arrête ici, ouais. Je débarque. Ouais. C'est pas mal resté fou. J'avais tellement pas fermé ton micro quand t'as poussé, c'est drôle. C'est drôle, ça. Ouais. Vraiment drôle. Je courais dans la rue après Jésus, il se fire d'un bord, il me tire dessus. J'ouvre les yeux, puis je vois Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, ils sont dans la glacière. Puis il me dit, hey là, viens ta mon petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, je vois rien ici, mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, puis le PD, j'ai du CNN. Je me dis, hey là, ils vont tu me dire tout haut ce qui passe tout bas. Fait que je m'assois parce j'ai une faim de loup. La waitress, ça me fait du doux. Mais je check comme faux, pis je comprends pas. Elle a la face à Mandela, pis je me dis, hey là, tu passes quelque chose ici, on me le dit pas. Ben Laden mange des frites, il est en chasse à Swift à l'eau bénite. Pendant que dit Jésus, toi, y a les veines. Mandela suçait sa graine, pis je me dis, hey là. Passe quelque chose et c'est moi je m'en vais de là. Oh, oh. Sans les 14, ça prend les ordres, ça prend le blabla. Faire un monde, je me dis, hey là, ils vont poigner des guns, shooter dans le tas. J'aboutis, je toquais des brumes, moule bleu, il me sert pas de la tarte. En haut du bar, je vois une pancarte. fais de la place avant que tu pars. Hey, ça provoque-tu des réactions, ça, du Bernard Adamus? Ouais, c'est polarisant, comme on dit. C'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Exactement. C'est pas pour tout le monde. Pas sûr encore. Je trouve qu'une pièce, c'est peut-être assez pour moi. Ouais. Dans le temps. La question à 100 piastres. Je sais pas. Je vais m'habituer avec le temps. Hein. Ça fait juste une fois ou deux fois que je l'entends, celle-là. Bon. Moi, j'aime pas l'album au complet, mais il y a quelques pièces, là, dont celle-là, entre autres. Le Fou de Lille aussi, puis la question à 100 piastres, c'est sûr que j'aime beaucoup. Mais j'irais peut-être pas voir un spectacle au complet de lui. Mais moi, j'aime bien Bernard Adamus. Bon, c'est bien ça. Ça, c'était le francophone. En fait, c'est une des nouvelles entrées qu'on va vous présenter pour la semi-première fois, ou au moins officiellement demain dans l'édition francophone des Palmarès C'est Fou qui commence à 13h avec moi-même. Puis il va aussi y avoir une nouvelle entrée de Chinatown, donc soyez à l'écoute demain. Maintenant, on retourne un petit peu dans l'anglophone, hein, quand même, pour continuer l'exploration de nos nouvelles entrées qu'on connaît un petit peu moins. Tantôt, c'était quoi, une quinzaine de minutes environ, on avait entendu du Flight of the Conchords et du Madcaps. Mais deux autres disques qu'on a moins entendus, c'est ceux de The Job et de Hunter Valentine. Hunter Valentine qui a fait son entrée en position numéro 18 avec The Stalker. On va aller écouter la pièce Treadmills of Love. Mm-hmm. Et pour The Job, qui eux avaient déjà eu une autre pièce dans le palmarès, hein, la pièce Soon. Et puis là, qui font un retour avec Problem en position numéro 17. On va aller à la place entendre, la pièce Gun. Pourquoi pas? Tout de suite au Palmarès C'est Fou, au 89.1. Et après ça, hein, tantôt, on va avoir le temps de revenir une dernière fois. Puis il y aura Assemblage requis après ça. Dans une dizaine de minutes. C'est pas mal l'important, ça. Pas mal. Kill all my friends, I'm not home. I'd rather go this alone. My mind been blown to pieces. My life an empty thesis. Those things I thought I stood for left outside your boyfriend's front door. All those promises that we made. Making bien excité de finir en tour, nous autres. C'est la formation. Hey. Wow, the job avec Gun. C'est, on fait pas sur le palmarès, c'est fou cette pièce-là, mais la formation est sur le palmarès. Et cette pièce-là était comme un genre de bloc sur la clôture, comme on aime faire une fois de temps en temps, vous faire découvrir d'autres pièces de formation qui sont sur les palmarès de C'est fou. On approche dangereusement de la fin de l'émission, et maintenant, ben, ce que j'aimerais faire, c'est des classic gold hits. Hein? Hein? Comment on dit ça déjà? Des classic gold hits. Ouais, mais... de C'est fou. Ouais. Ouais, ça fait imposant comme ça, tu trouves pas? C'est très, très imposant, dit de même, j'aime bien, bien gros ça. Eh oui, comme... Ah! Donc voilà, on va se quitter avec deux affaires. On va entendre Major Billy avec les Mouches qui était sur le palmarès de C'est fou vers la fin de 2007. Et puis après ça, on va entendre I'm a Robot avec la pièce Creeps Me Out. Et ça, c'est sur le palmarès vers la fin de 2003. Donc deux vieux classiques, 2007-2003. On commence à reculer pas mal loin avec ça, hein? Mm-hmm. Ben, Major Bidet, ça n'a pas vraiment le choix de faire longtemps, étant donné que ça n'existe plus. Ça fait un petit bout de temps déjà. Mm-hmm. Là, je viens de regarder sur le MySpace du groupe Major, qui est la nouvelle cuvée de Major Bidet. Là. Bref, nouvelle formation avec les restants du groupe. Bref. Ils ont les fesses moins propres, c'est tout. Wesh. Puis ça fait environ un an là, que le groupe annonce leur prochain album. On dit prévu pour 2010, donc ça peut être encore loin. On attend toujours. Il y a la pièce Ping Pong qui existe justement depuis environ un an, qui est une nouvelle pièce là, du projet Major, mais rien de nouveau. Donc il faudra se contenter pour aujourd'hui d'un classique gold hit des palmarès C'est fou, avec une pièce du groupe Major Bidet. Et juste après, ben, ça va être assemblage requis, toujours avec Kiwan et moi. On reste là, nous, on s'assoit. On est déjà assis, finalement. On n'anime pas debout. On bouge pas. Pas confortable animé debout. Non, moi, non. C'est meilleur pour la digestion, je pense. Moi, tu penses? Ouais. Je sais pas. Moins bon pour les pieds, pour les genoux aussi. Ah, les genoux. Tu sais comment je tiens mes genoux, là, comme Mordicus, ça? Mordicus. C'est la deuxième fois que tu Adamus. Sus, hein? Que tu t'enfuis, que je deviens laid. Les saisons passent, le monde se passe. Le peu qui excite attire les mouches. De vieux pains confits. Une mouche de vieux pains moitié. Que tu gardes en main, que tu sors pas. Que tu gardes en main, que tu sors pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles. Show qui te réveille, qui oublie d'endormir ton cœur, qui oublie d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Retour à l'hôpital, on va t'en prescrire. Ah, mais tu viens, c'est ma journée qui commence là. Les palmarès ne seraient pas grand-chose si je ne disais pas au moins une fois « bye » pour ensuite revenir parce que j'ai dit quelque chose de complètement faux. Je me corrige. Ça, c'est la prochaine pièce qu'on va entendre de « Creeps Me Out » de I'm a Robot. Ça ne date pas de 2003 du tout. Ça date de 2006. C'est leur autre album avant. Fun, hein? Savoir, c'est comme un genre de fait rajouter plus value, bonus feature.